est une corvée tatane. La vie est une corvée tatane. Un petit rien nous épate. On aime bien se faire éplucher. C'est plus élégant que de se faire plumer. De patates. La vie est une corvée de patates. La vie est une corvée de patates. La vie est une corvée de patates. Il en faut peu pour qu'on dilate. On aime bien se faire trancher. On espère qu'on fera de la bonne purée.